Bonsoir. Bonsoir. Tandis que je buvais, ça remontant d'un comité, juste devant mes champs, s'envole d'une hirondelle devant mes yeux, qui explose en plein ciel d'un coup de feu. De derrière les fourrés, je vois paraître de grands gugus armés, vêtus de leur guêtre, de la queue frétillant leur épagneul, l'oiseau mort et gisant entre sa gueule. Allongé dans mon lit, quand vient le soir, je suis, je tombe, je gris, dans mes cauchemars, l'hirondelle me revient ensanglantée. Me parle et me retient pour me chanter. Qui aime se prendre de la chevrotine? Qui aime le chant que fait la carabine? Qui aime boire le sang qui dégouline? Qui aime boire leur gueule à eux, gueule de vermine? Le lendemain, ma vie avait bien changé, soudain me vint l'envie, oui, de les retrouver, les auteurs du massacre de cet oiseau. Promettant, je consacre le temps qu'il faut. J'attends tel un chasseur dans les fourrés, les balles dans le chargeur de mon pistolet. Les deux cucus font leur apparition à l'affût de la douleur dans les buissons. Tel un fauve, je bondis sur le premier, le coup a retenti, oui, je l'ai bien buté. Je décoche un coup de poing au deuxième homme, blessé, il joint les mains, je lui chantonne. Qui aime se prendre de la chevrotine? Qui aime le chant que fait la carabine? Qui aime voir le sang qui dégouline? Qui aime voir ta gueule, gueule de vermine? Avant de l'expédier dans l'autre monde, sans jamais lui creuser, non, la moindre tombe, je lui dis que j'ai un message urgent pour lui et son copain, son pote Fernand. L'hirondelle a un mais, sage pour toi, je suis un messager, oui, je suis sa voix, la retourne maintenant, tu es la proie, et si tu as le temps, oui, envole-toi. Voilà que l'énergumène se met debout, sautant il se démène, oui, tout comme un fou, j'ai bien cru qu'il allait fuir la pédale. Je tire un coup parfait et l'homme s'étale. Qui aime se prendre de la chevrotine? Qui aime ce chant que fait la carabine? Qui aime voir le sang qui dégouline? J'ai raté, on recommence. Allez tous ensemble. Qui aime se prendre de la chevrotine? Qui aime le chant que fait la carabine? Qui aime voir le sang qui dégouline? Qui aime voir ta gueule, gueule de vermine? Et bon, il est arrivé.